fête, beau jeu, rien ne va plus. On tombe à pic, besoin d'un trêve, j'ai sentiment qu'on restera sur le carreau. Y'a plus d'amour dans les cœurs, c'est un monde fou, regardez-vous au rendez-vous, est-ce donc le chaos? Ils pillent, s'approprient, détruisent, arrachent la vie. On crie, on prie, on fuit, c'est l'instinct de survie. L'homme brûle, détériore, c'est le pire des carnivores. Exploite, profite, prêche la bonne parole, tu as tort. À travers, pollue notre atmosphère. Ils causent des guerres au nom du père, ils veulent seulement te faire taire. Il est peu recommandable, encore moins fréquentable. Lorsqu'il pète un câble, rien ne va plus, tout devient instable. Faites vos jeux, rien ne va plus. On tombe à pic, besoin d'un trêve, j'ai sentiment qu'on restera sur le carreau. Y'a plus d'amour dans les cœurs, c'est un monde fou, regardez-vous au rendez-vous, est-ce donc le chaos? Elle supporte de plus en plus mal au fil des années. On commence à ressentir ce qu'elle a pu endurer. Elle est comme étouffée, salie, privée de sa liberté. Bétonnée, rasée, au bord du gouffre, elle est prête à craquer. Tremblement de terre, tsunami, réchauffement de la planète, mais qu'on te l'avait prédit. Les glaciers fondent, l'eau se fond dans le décor. Vu que faire un effort, c'est trop demandé, alors elle ferme le store. Faites vos jeux, rien ne va plus. On tombe à pic, besoin d'un trêve, j'ai sentiment qu'on restera sur le carreau. Y'a plus d'amour dans les cœurs, c'est un monde fou, regardez-vous au rendez-vous, est-ce donc le chaos? Je suis sombre et amer, j'ai l'esprit infecté. Je suis celui qui est et sera toujours suspecté. Mon art est noble, tu te dois de le respecter. J'écris ma peine, ce sont des pros qui sont injectés dans mes veines. Je constate et relate les faits. Je ne suis pas parfait, mais moi au moins j'essaie de changer. Accepte ce que tu dis, ce que tu es, ce que tu fais. Si ce monde sombre dans le chaos, c'est qu'on l'a bien cherché. Faites vos jeux, rien ne va plus. On tombe à pic, besoin d'un trêve, j'ai sentiment qu'on restera sur le carreau. Y'a plus d'amour dans les cœurs, c'est un monde fou, regardez-vous au rendez-vous, est-ce donc le chaos?